12 pierres sortent du Jourdain. Une pour chaque tribu du peuple. Comme autant de pages dressées pour que l'oubli ne devienne pas un fleuve. Tu sais combien l'homme avance vite et oublie vite ce qui l'a sauvé. Alors tu dresses tes mémoriaux pour que la foi reste enracinée. Ce que tu fais doit être raconté. Nous dressons des pierres de mémoire sur la route que tu as ouverte pour dire à nos enfants demain que ta puissance n'a jamais été déserte. Nous dressons des pierres de mémoire au milieu de nos saisons afin que le souvenir de ta délivrance ne se perde jamais dans nos maisons. Même le lieu du danger devient hôtel. Quand on salue les traverses, et là où la peur voulait s'installer, tu bâtis un témoignage qui traverse. Le Jourdain reprend son cours, mais nos cœurs ne sont plus les mêmes. Qui a été vu avec Dieu ne peut plus redevenir un vieux problème.